Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 157. De la clémence et de la mansuétude. La clémence et la mansuétude, leur mérite, leur rapport avec la tempérance, leur rapport avec les autres vertus. 1. La clémence et la mansuétude sont-elles absolument identiques? La mansuétude et la clémence ne sont pas entièrement identiques. Elles concourent au même but, qui est de modérer les effets de la colère, mais la clémence porte à mitiger la pénalité extérieure, et la mansuétude adoucit au-dedans de nous la passion même de la colère. L'une empêche d'être cruelle dans le châtiment, l'autre de se livrer à l'emportement. La clémence s'exerce de supérieur à inférieur, la mansuétude se pratique envers tout le monde. 2. La clémence et la mansuétude sont-elles des vertus? La clémence et la mansuétude sont l'une et l'autre des vertus, car si la clémence, en mitigeant les punitions, suit les conseils de la droite raison, la mansuétude, en modérant la colère, les suit également. Note. La clémence ne se montre que dans les cas où elle le peut sans danger. Elle diminue la peine par rapport à ce que prescrit la loi commune ou la justice légale, mais non par rapport à ce qu'exige la droite raison. Par des considérations particulières, elle juge que tel homme ne doit pas souffrir davantage. Quant à la mansuétude, elle est comptée par notre Seigneur au nombre des béatitudes, et saint Paul la range parmi les fruits. Rien n'empêche qu'elle ne soit tout à la fois une vertu, une béatitude et un fruit. Fin de la note. 3. La clémence et la mansuétude font-elles partie de la tempérance? La clémence, disait Sénèque, et la tempérance d'un esprit qui a le pouvoir de se venger. La clémence diminue les peines, la mansuétude modère la colère, consistant dans une certaine répression, l'une et l'autre se rattachent à la tempérance, comme à une vertu principale. La clémence et la mansuétude sont-elles les plus grandes vertus? La clémence et la mansuétude nous éloignent seulement du mal, en modérant, soit la colère, soit la punition. Il est plus parfait de faire le bien que d'éviter le mal. La foi, l'espérance, la charité, la prudence, la justice, qui tendent directement au bien, leur sont évidemment préférables. Toutefois, entre les vertus qui éloignent du mal, elles peuvent avoir la supériorité. La colère, que la mansuétude modère, est, par sa violence, l'un des plus grands obstacles au jugement droit de la raison. Aussi l'Écriture nous dit, « Mon fils, gardez votre âme dans la mansuétude. » Ecclésiastique 10:31. D'un autre côté, la clémence, qui fait diminuer les peines, se rapproche beaucoup de la charité, par laquelle nous faisons du bien au prochain et le préservons du mal. Note. La mansuétude et la clémence nous rendent agréables à Dieu et aux hommes. D'abord, la mansuétude nous dispose à recevoir les enseignements divins, selon cette parole de saint Jacques. 1:21. Recevez la parole de Dieu dans la mansuétude, et selon ses autres encore de l'Ecclésiastique. 5:13, soyez doux pour entendre la parole de Dieu. Notre Seigneur lui-même nous engage tout spécialement à imiter sa mansuétude, apprenez de moi, nous dit-il, que je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11:29. Cette vertu est pareillement agréable aux hommes. Mon fils, dit l'Esprit Saint, faites toutes vos actions avec douceur, et vous vous attirerez l'estime et l'amour des hommes. Ecclésiastique 3:19. Ensuite, on lit dans les Proverbes 20-28, ce qui fortifie le trône des rois, c'est la clémence. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.